Chapitre 16e. Soirée à l'appartement. Le torticolis s'était intensifié et, comme finalement il n'était pas encore très tard, Dutilleul se résolut à aller voir Michonnier. Dutilleul n'eut pas à attendre très longtemps, environ 20 minutes, avant que Michonnier le reçoive, et il eut un choc en entrant. Son ami, bon vivant devant l'Éternel, avait littéralement fondu. Michonnier, fier de son effet, fit le fanfaron. C'était son heure de gloire. Il se mit à tourner sur lui-même, comme un bienheureux, afin de tester l'effet produit, et Dutilleul le laissa d'autant plus savourer son triomphe que c'était mérité. « Alors, lui dit Michonnier, comment me trouves-tu ? Eh bien, laisse-moi te regarder encore. J'ai besoin de m'habituer. J'ai quitté un homme bien enveloppé, ma foi, pas malheureux de l'être. Je retrouve un jeune homme. Comprends que je sois sous le choc, répondit-il en plaisantant. Te serais-tu entiché d'une jeunesse par hasard ? Pourtant, il me semble que ta douce moitié ne méritait pas un tel traitement de ta part. En plus, malgré ta ligne retrouvée, ce genre d'excès n'est guère indiqué à ton âge, ou sinon, pas trop longtemps. Tss, chante, Titi. Avoue plutôt que tu es intrigué. Quelle mouche a bien pu piquer ce bon gros Michonnier ? Eh bien, je vais te décevoir. Ce n'est pas un jupon, ou plutôt si, un jupon qui se marie. Ta fille se marie. Félicitations, mon vieux. C'est vrai qu'elle doit être en âge. Même un peu plus, mais qu'importe. Le galant me plaît bien. Il a la tête sur les épaules, et en dehors du fait qu'il est british, je n'ai rien à lui reprocher. Cela ne m'explique tout de même pas ce régime éclair. Éclair, 18 mois quand même. Pourtant, je t'ai eu souvent téléphone pendant cette période. Mais en vieux renard que tu es, tu ne m'as rien dit. Tu préférais me voir tomber de l'armoire pour mieux savourer ta victoire ? Je confesse que oui. Je savais que tu réagirais ainsi. Que veux-tu, je te connais trop. Tout comme je sais que rien qu'à la façon dont tu te tiens, tu as un bon torticolis. Serais-tu à court de médicaments par hasard ? Décidément, on ne peut rien te cacher très longtemps. Dutilleul ressortit une demi-heure plus tard avec la précieuse ordonnance et se précipita sur la première pharmacie venue. L'officine était bondée, aussi dut-il prendre son mal en patience. L'attente fut assez longue et il reperdit le temps que Michonnier lui avait fait gagner. Comme il commençait à se faire tard, il pouvait faire une croix sur le massage de Mado. Alors autant rentrer directement à son appartement. Il préféra oublier le peu d'amabilité de la pharmacienne qui lui tendit sèchement la boîte de comprimés, comme si c'était la chose la plus désagréable qu'elle eût à faire de la journée. Dutilleul raya instantanément le lieu de son carnet d'adresse et se reprocha même son empressement ridicule, car n'avait-il pas un jet de pierre de chez lui une pharmacie où il avait ses habitudes ? Il prit la boîte à contre-cœur et se vengea en sortant une grosse coupure de son portefeuille. « Vous n'avez pas la pointe ? » demanda la femme hargneusement. « Non, répliqua froidement Dutilleul, ce qui bien sûr était un mensonge éhonté. « Tous pareils, maugré la femme, qu'il avait du mal à qualifier de pharmacienne malgré sa blouse blanche. Ce devait être la patronne, une femme d'une 50aine d'années, pas très grande et replète. Dutilleul se demanda comment, avec un tel caractère, elle parvenait à maintenir son affaire à flot. La femme lui rendit la monnaie comme à regret, et Dutilleul put enfin regagner sa voiture. Seul aspect positif, la pluie avait cessé, mais il faisait froid. Affronter les bouchons du soir ne fut pas une mince affaire. Bien sûr, il aurait pu, comme tant de ses collègues, utiliser la sirène, mais il n'y tenait pas. Il ne supportait pas les passe-droits, et aimait de temps en temps se retrouver dans la peau de Monsieur Tout-le-Monde. De toute façon, passer une soirée à l'appartement ne l'enchantait guère. Habituellement, il ne se contentait que d'y dormir. Bien sûr, il y aurait de quoi manger, car Madame Ortiz, la femme de ménage, y veillait scrupuleusement. Mais il préférait de loin la compagnie des mains de Mado. Seulement, ce soir, il était impensable qu'elle se libère, même pour lui. Elle avait sa soirée entre copines, comme toutes les semaines, et dans le carnet de rendez-vous de Mado, c'était sacré. La chose durait depuis des années, et Dutilleul savait combien c'était important pour elle. Il n'avait aucun mal à imaginer les conversations. Chacune des convives, elles étaient une bonne dizaine, était un vieux cheval de retour. Elles exerçaient depuis des années dans le quartier. Elles étaient parfaitement connues des services de police, et s'il leur arrivait bien de se faire embarquer de temps en temps, c'était toutefois assez rare. Elles avaient toutes approximativement le même profil. Encore appétissantes, malgré les années, elles avaient eu l'intelligence de ne pas sombrer dans l'alcoolisme ou la drogue de plaie de la profession. Elles étaient discrètes, ne recevaient que sur rendez-vous, et la pratique était assise depuis des années. Toutes étaient des libérales, et avaient eu l'opportunité de s'affranchir de leur mac et ne rendaient plus de compte à personne. Elles possédaient leurs deux pièces, leur voiture. Nombre d'entre elles, pour ne pas dire toutes, servaient d'indic à l'occasion, et Dutilleul savait que les renseignements obtenus étaient toujours de première main. Depuis quelques années aussi, l'importance de leur rôle s'était accrue, car elles repéraient rapidement les nouvelles venues. Elles étaient plus particulièrement chargées de surveiller les filles de l'Est, et si possible de repérer leur mac. Grâce à elles, la police des mœurs avait pu opérer un grand nombre d'arrestations, et sauver ainsi certaines filles assez naïves pour s'être laissées piéger. Dutilleul savait que c'était une goutte dans l'océan, mais c'était toujours cela. Dutilleul mit une bonne demi-heure avant de parvenir à se garer à proximité de son immeuble. Il entra rapidement et envisagea le tas de courriers qui s'était accumulé ces derniers temps. Après tout, c'était une façon comme une autre d'occuper sa soirée, même s'il savait que 90% finiraient au panier. Quelques relevés de compte, pour ainsi dire pas de facture, c'était déjà cela. Une enveloppe marron assez épaisse attira tout de suite son attention. Il n'avait même pas besoin de voir le sigle stylisé pour en connaître la provenance. Il l'ouvrit non sans une certaine répugnance et considéra la lettre chèque qui accompagnait la paperasserie habituelle. Il découpa le chèque avec soin en y jetant un vague coup d'œil. Si sa mémoire ne lui faisait pas défaut, le montant était supérieur à celui de l'année précédente, ce dont il se moquait éperdument, mais il devait bien être le seul. Il nota simplement qu'il devrait passer à la banque le lendemain, mais il ne pousserait tout de même pas le vice jusqu'à consulter sa chargée de clientèle, au demeurant charmante. Il avait eu sa dose de morale pour au moins un bon mois. Il s'attela ensuite à la lecture de l'alias. On lui demandait son accord pour l'achat de matériel, dont le montant était assez conséquent, achat auquel il donna immédiatement son accord. Une fois de plus, et même si c'était parfaitement puéril de sa part, il avait la satisfaction de voir que malgré les signatures prestigieuses de l'ensemble du bureau exécutif, lui seul, personne insignifiante au regard de ces grands messieurs, avait le dernier mot, et cette situation ne cessait de l'amuser. Ces derniers, tous éminents professeurs de médecine, avaient beau le considérer comme un cafard, dont ils auraient tout donné pour s'en défaire, il n'en détenait pas moins les cordons de la bourse, grâce à son géniteur aussi et surtout dénommé le grand con. Cependant, ne devait-il pas s'en prendre qu'à eux-mêmes? Si pendant des augustes, son auguste géniteur, le fameux psychiatre Georges Léonce Dutilleul, n'avait pas englouti sans remords la considérable fortune de son épouse dans le maintien à flot de l'établissement, qui aurait parié sur les chances de survie de la clinique? Celle-ci avait mis des années à devenir rentable, et ces beaux messieurs s'étaient montrés bien frileux pour investir à leur tour. Ils avaient fini par y venir, petit à petit, comme sur la pointe des pieds. Comme pour leur faire payer leur manque de confiance initiale, Georges Léonce Dutilleul s'était montré tout aussi rétif à partager sa mainmise sur la clinique. Dutilleul n'avait jamais eu beaucoup de considération pour le grand con, mais il n'avait pu qu'approuver la fermeté dont il avait fait preuve dans toute cette affaire. Georges Léonce Dutilleul avait soigneusement consigné dans un journal l'attitude souvent blessante de ses confrères. Certains commentaires étaient loin d'être flatteurs, car il avait la dent particulièrement dure pour qui contrecarrait ses plans. À ce jour, malgré des demandes persistantes de révision des statuts, Dutilleul fils possédait encore 68% des parts de la clinique, ce qui lui assurait, sans rien faire, un revenu plus que confortable. Il avait condescendu à céder 2% 3 ans plus tôt, mais ne comptait pas renouveler une telle opération avant au moins 2 ans. Dutilleul fit le ménage sur son bureau et se désola une fois de plus du gaspillage de papier. Heureusement, il pratiquait le tri sélectif. Il se rendit dans la cuisine et se mit en devoir d'explorer le congélateur et le frigo. toutes sortes de boîtes soigneusement étiquetées l'attendaient. Il choisit un gratin dauphinois accompagné d'une laitue. S'il ne se trompait pas, il pourrait même se désaltérer d'un reste de Bourgogne rescapé d'une soirée qu'il avait donnée quelque temps auparavant. Il se souvenait qu'il l'avait trouvé particulièrement agréable au palais, même s'il n'était pas un grand connaisseur en vin. Il mit le gratin au four et fit même l'effort de mettre le couvert. Finalement, cette soirée ne serait peut-être pas un ratage complet. Les comptes de la clinique l'avaient détendu et, grâce aux comprimés qu'il avait pris, son torticolis commençait à se calmer. Il alla se coucher et passa une tenue plus confortable. Il mit un disque de Scarlatti sur la platine et découvrit qu'il avait grand faim. Le gratin était succulent et le Bourgogne à bonne température. L'appartement lui parut pour une fois presque supportable. Il écrirait un message particulièrement laudatif à l'attention de Madame Ortiz. En allant se coucher, Dutilleul constata qu'Henri Castex l'avait appelé. Il mit en route son répondeur. « Salut Titi, peux-tu passer me voir demain quand tu auras un instant ?»« Bon, je rentre. Jeanne m'a déjà sonné deux fois. » C'est ce que Dutilleul aimait chez Castex. Il n'imposait jamais rien, et du coup on avait à cœur de le satisfaire au plus vite. Dutilleul le verrait à la première heure.